Sur la Radio Parfaite, dans l'émission Les Experts, David Christoffel reçoit aujourd'hui la pianiste Brigitte Boutinon-Dumas autour de son livre « Mémoire d'empreinte à l'écoute des deux mains » paru aux éditions Symétrie. Thank you. Maria Joao Pires dans le nocturne numéro 8 en ré bémol majeur opus 27 numéro 2 de Frédéric Chopin pour vous souhaiter la bienvenue. Brigitte Boutinon-Dumas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Radio Parfaite. On va évoquer ensemble le deuxième volume de votre livre Mémoire d'empreinte à l'écoute des deux mains. Le premier volume était paru en 1993 et vous a valu votre nomination au poste de professeur de piano au CRR de Paris. Tout peut-être à fait. Expliquer d'abord pourquoi. Est-ce que ça a été comme une révélation ou un pas de côté ou... Ce livre ne va pas dans le sens de la pédagogie en général en France. Pourquoi ? Parce que je ne parle pas d'articulation du doigt, je ne parle pas de solidité de la main, je ne parle pas d'indépendance des deux mains. Alors déjà, j'ai lâché là trois choses fondamentales, parce que beaucoup, dans l'enseignement français, se rattachent à ces trois notions. Alors si je ne parle pas de ces trois choses, de quoi ? À quoi est-ce que je m'attache ? Alors, je vais parler de globalité des deux mains, ce qui veut dire que je ne crois plus à l'indépendance des mains, puisque je veux regrouper les deux mains, donc je crée une dépendance entre les deux mains. Et alors là, il y a un maître à penser pour tout le monde qui s'appelle Arturo Michelangeli, qui, lui, le premier, a lancé une seule main à 10 doigts. Donc nous sommes là dans une image qui détruit justement cette indépendance. Si j'ai choisi qu'on commence par un nocturne de Chopin, c'est parce que vous avez un chapitre consacré au cerveau où vous repensez la dualité gauche-droite en disant justement que les nocturnes de Chopin nous font bien entendre la dissociation des fonctions des deux mains en même temps que leur complémentarité irréversible. Oui, c'est la question fondamentale des hémisphères droit et gauche de notre cerveau. Si vous voulez, la main droite dans le nocturne de Chopin, elle a le cantabile, elle a le chant, c'est la voix où justement l'interprète peut se livrer. La main gauche, elle est harmonique et elle est gérée par l'hémisphère droit. Donc on a une main droite gérée par l'hémisphère gauche et une main gauche gérée par l'hémisphère droit. Il se trouve qu'il y a un croisement, puisque la main droite, qui devrait être libre, se retrouve analytique. Et la main gauche, qui elle, chez Chopin, est le maître de chapelle, à la fois rythmique et harmonique, c'est la main qui est soi-disant inventive et créative. Donc nous avons une sorte de croisement là, que nous allons nous efforcer de gommer. Il faut supprimer cette notion droite-gauche pour arriver à, encore une fois, un ensemble, une globalité. Vous écrivez, lorsqu'on a un chant de la main droite, parce qu'effectivement, quand on a une partie rythmique à la main gauche, une partie chantante à la main droite, on est comme un peu trop tiré vers l'indépendance des mains, si on suit votre argumentation. Et vous écrivez, lorsqu'on a un chant de la main droite, on la suit sans problème pour, selon l'expression, la timbrer. Pendant ce temps, on ignore tactilement la main gauche qui devient inconsistante et isolée dans son coin. Je ne sais toujours pas pourquoi on a cette propension à n'entendre que la main droite. D'où la difficulté d'entendre également la main gauche. Parce que je crois que c'est le mélodique, et c'est ce que l'on retient, toute chanson, tout air, quand on retient un air. Bon, donc on a cette main droite, on est sur le cantabile, le mélodique toujours. Et l'harmonique est laissée pour compte. Il y a une scission en nous. Et c'est cette scission que j'essaye de réduire en disant qu'il faut latéraliser un jeu. Et on ne s'occupe plus de l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Il faut qu'il y ait fusion entre les deux hémisphères. Et c'est cette linéarité-là qui va reproduire le texte aussi bien sur le plan mélodique que sur le plan harmonique. Donc on a une écriture complète. Et nous voilà donc avec une seule main à 10 doigts, pour reprendre la formule que vous citez d'Arturo Benedetti, Michelangeli, que nous écoutons dans le dernier mouvement du 4e concerto de Rachmaninoff. Thank you. C'était le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli dans le troisième mouvement du quatrième concerto de Rachmaninoff, Brigitte Boutinon-Dumas. Vous avez choisi ce pianiste comme première citation pour cette formule « Une seule main à 10 doigts ». Comment vous faites quand vous avez des étudiants qui, effectivement, ont une indépendance des mains presque naturelle, au sens où la main droite a tendance à prendre le dessus, même quand on est gaucher ? Même quand on est gaucher. Alors, cette indépendance, nous l'avons tous. Et le problème du piano, c'est qu'on lit deux clés sur deux portées différentes. On a deux mains, tout est divisé en deux. Et quand je dis qu'il faut regrouper l'ensemble, c'est évidemment antinaturel. C'est cela qui est antinaturel. Et on se laisse déporter. Ça veut dire quoi, se laisser déporter ? Ça veut dire qu'on se laisse guider. On n'entend que la main droite. Il est très difficile de rétablir la main gauche, comme vous le disiez, même pour les gauchers. Parce qu'un trait difficile à la main gauche, quand on joue la main gauche seule, on est gaucher. C'est vrai que si la technique est compliquée, il y aura une certaine aisance si on est gaucher. Mais quand on rétablit les deux mains, et c'est là où c'est le point sensible de tout le monde, eh bien, on a encore un problème de dissociation. Donc, on travaille sa main gauche seule, on la joue très bien, on rajoute les deux mains et on retrouve ce problème de dissociation. Donc, ça veut dire que c'est le mental, ça veut dire que c'est l'oreille qui, encore une fois, il faut mélanger les deux mains dans la tête. C'est une expression que j'emploie souvent auprès de mes étudiants. Mélanger les deux mains dans la tête. Votre livre s'appelle « Mémoire d'empreinte » et le mot « empreinte » revient sous différentes acceptions. Peut-être qu'on pourrait commencer par la plus éloignée, puisque vous citez un extrait du comédien désincarné de Louis Jouvet qui disait « Le texte pour le comédien est une empreinte, il faut s'y mouler ». Oui, c'est l'adjectif, le verbe « s'y mouler » est merveilleux parce qu'on voit bien que c'est à nouveau un rassemblement. Et c'est un peu différent parce que là, on parle de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est ce volontarisme instrumental, ce volontarisme du comédien que l'on doit faire taire aussi. Sachant que, voilà, on va en venir donc à la première acception du mot empreinte, et c'est-à-dire l'empreinte que le doigt laisse là où il se pose et qui vous questionne, enfin qui vous fait mettre en avant la question de la stabilité du doigt. Avoir de la technique au piano, c'est avoir des doigts égaux. Avoir des doigts égaux, ça veut dire des empreintes, que chaque doigt, qu'il soit cinquième, fluet, ou troisième, ou pouce, c'est pas une question de superficie de la phalangette, puisque le poids vient d'en haut, c'est-à-dire de l'épaule derrière, avec un circuit, le long bras, avant-bras, poignet, et on arrive évidemment à la phalange. Alors, que le doigt soit costaud comme le troisième ou fluet comme le cinquième n'a plus de raison d'être puisque de toute façon, c'est un poids en amont qu'il faut diviser par 5. Et cette empreinte, cette question d'empreinte, c'est justement la qualité de l'appui. Et la qualité de l'appui, on y revient toujours puisqu'il faut avoir la sensation de cette qualité de l'appui. Donc pour l'empreinte, il faut une sensation tactile. Et encore une fois, unifier les 10 doigts de la même façon. Vous dites un bras d'adulte pèse autour de 7 kilos. Ça veut dire qu'il faut utiliser tous ces kilos quand on joue du piano ? C'est Lazare Lévy qui a dit cette chose-là. Un bras fait 7 kilos. Je peux vous raconter une histoire. Il était, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'est en Allemagne, et il rentre dans une charcuterie, boucherie. Et il pose son bras et son avant-bras sur la balance et il dit voilà, 7 kilos, c'est avec cela que l'on joue du piano. Alors, vous racontez une autre anecdote, pour le coup un témoignage de Maurizio Pollini lors d'un concours Chopin qu'il avait gagné en 1960 et qui, là aussi, restitue cette importance du poids ou de la conscience du poids quand on pose le doigt sur un piano. Bah, c'est Rubinstein qui lui a dit, il a posé sa main sur son épaule et lui a dit, si vous ne voulez pas être fatigué, vous laissez descendre, c'est le poids qui va faire votre jeu. Donc, à partir du moment où, encore une fois, tous les doigts sont égaux, et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir cette sensation de descendre en soi pour pouvoir avoir sur le clavier cette adhérence toujours la même. Alors, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'articuler, si c'est ça. Parce que le poids se suffit à lui-même. Alors on va dire, oui, mais les doigts collent. Non, parce que ça libère le jeu, on n'a pas les doigts qui collent, parce qu'il y a cette question de transfert de poids d'un doigt vers l'autre. Parce que la mémoire de l'empreinte, ça veut dire un transfert de poids 10 fois, le même. Et il n'y a pas d'attaque quand je dis transfert de poids. C'est quelque chose de passif. Et c'est très difficile de penser avoir un jeu solide avec quelque chose de passif. Mais l'énergie, c'est elle dont il s'agit. L'énergie, elle vient en amont et ça n'est que la résultante. Le doigt devient que la résultante de cette énergie. On n'a pas besoin d'agiter, muscler, solidifier la main. Donc ça voudrait dire qu'il vaut mieux jouer du bout des bras que du bout des doigts. Si vous voulez. En tout cas, oublier sa main, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça veut dire que l'on est... Oublier ses doigts, parce qu'on est d'abord dans l'esprit du texte et on est dans la globalité de la phrase, on est enfin dans l'harmonie au lieu d'être dans un mouvement de doigts. Donc ça veut dire, si on résume ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, qu'il faut oublier qu'on a deux mains pour penser qu'on n'en a qu'une, et oublier qu'on a des doigts pour penser surtout qu'on a des bras. Ça veut dire de reconsidérer son anatomie pour aborder le clavier de façon la plus fluide. Merci de le dire. En tout cas, ça n'est pas naturel de penser de cette façon-là. Et on voit le chemin parcouru pour le mental pour arriver à ne plus dissocier. Parce que le mot, c'est cela. Il ne faut pas de dissociation. Et on n'est pas conçu pour ça. Donc, quand, dans la vie courante, je crois que lorsque l'on marche, tout simplement, on n'est pas en train de penser à relever son pied. On avance un pied. Et c'est là où on a une marche legato quelque part, puisque c'est transfert des pieds comme c'est transfert des doigts. On ne se pose pas de questions. C'est la direction qui compte. On va d'un point à un autre. Et la musique, c'est toujours aller d'un point à un autre. Nous parlions avec vous, Brigitte Boutinon-Dumas, de Maurizio Pollini pour ce conseil qu'il reçoit d'Arthur Rubinstein. Nous allons l'écouter dans le troisième mouvement du concerto numéro 2 de Bartok avec Claudio Abbado à la tête de l'Orchestre symphonique de Chicago. La pianiste Brigitte Boutinon-Dumas est l'invitée de David Christoffel pour l'émission Les Experts sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Claudio Abbado à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago dans le troisième mouvement du deuxième concerto pour piano de Béla Bartok avec donc au piano Maurizio Pollini dont on parlait avec vous Brigitte Boutinon-Dumas, auteur de Mémoires d'empreintes. Vous évoquez donc en premier les questions d'anatomie, comment le pianiste doit repenser son corps en quelque sorte. Vous faites un récapitulatif des mauvaises positions et vous dites que ça peut aussi se jouer dans le visage, que les traits du visage sont révélateurs, qu'on voit dans le visage la mâchoire est tendue jusqu'au maxillaire, que ça peut révéler une tension qui n'a rien à faire là. Alors, il faut savoir que le corps n'est que tension. Quand il doit faire quelque chose de bien, de réussi, de propre, parce que jouer propre, c'est quand même une des préoccupations de l'instrumentiste, et malheureusement, j'allais dire, parce que ce n'est pas une façon de libérer l'esprit que d'avoir peur de la fausse note. On fera d'une certaine façon beaucoup moins de fausses notes si on est dans son instinct, si on est dans sa pensée et sa logique personnelle. Alors, tout ce qui, le rapport à la main dans ce qu'il a de studieux me semble dangereux. Dangereux. Et puis au-delà du visage, il y a les trapèzes, les épaules, les coudes, et qui sont autant d'endroits du corps où des mauvaises attitudes peuvent se contracter, c'est bien le mot. Voilà. Alors la contraction, elle est générale, parce que je vais commencer par le pied, d'ailleurs la pédale. Quand les gens sont crispés, ils ont même le pied tendu, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas capable après d'aérer les harmonies entre elles. Il y a des tuilages harmoniques épouvantables parce que, justement, c'est une contraction du pied entier. Alors, maintenant, je remonte. Le bassin, il doit absolument, les ischions doivent être positionnés sur le tabouret, mais il faut avoir cette conscience de lourdeur. Je ne dis pas avachissement, je dis lourdeur. Autrement, on a des gens qui sont absolument crispés, on a l'impression qu'ils sont assis sur un tas d'aiguilles. Il y a quelque chose qui est l'inconfort, ça c'est évident. Les épaules remontent, les coudes remontent, le bras, l'avant-bras, tout ça est figé. Et quand on regarde bien, les trapèzes évidemment peuvent devenir douloureux et on a mal au dos. Et quand on regarde bien, on peut même observer que le visage est très révélateur parce que le maxillaire inférieur avance. Et on voit les tensions, la musculature du visage qui ne doit pas apparaître. C'est un état de détente totale du corps entier qu'on doit voir, avec des épaules posées, je dis naturellement, des mains posées symétriquement sur le clavier naturellement, des pieds qui vont pouvoir justement faire respecter les pédales indiquées. Puisqu'on parle de pédales, vous citez votre professeur, Yvonne Lefébure, votre maître, qui parle de la pédale comme de la troisième main. Oui, oui, oui. Elle était très exigeante, elle jouait beaucoup de musique française dans les années 60, 70, 80. Le monde entier venait travailler Debussy, Forêt, Ravel avec elle, Roussel, Ducas, enfin c'était tout de même quelqu'un qui avait une aura magnifique pour ce répertoire. Cette musique-là est très exigeante. Je ne dis pas que les pédales peuvent être différentes dans Brahms, mais très exigeantes parce que toutes ces richesses harmoniques de la musique française doivent être respectées. Il faut laisser passer la lumière des harmonies. Et j'insiste sur ce mot. C'est ce qui fait la caractéristique de la musique française, souvent. Laisser passer la lumière des harmonies. Oui. Je trouve que l'oreille n'est pas assez exigeante pour ça. Alors, il faut une connaissance harmonique de son texte, bien sûr. Quand vous dites que c'est une spécificité de la musique française, ça embrasse tous les siècles. Enfin, ça va de Couperin à Messiaen. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, la musique, le répertoire allemand a besoin de pédales très, très précises. Si on ne sait pas aller chercher ses basses dans Schumann et Brahms, on défigure l'écriture du compositeur. Et il faut profiter de ces basses, justement, les faire vivre, entendre ces résonances. Et la main droite va poser quelque part, va se poser sur la main gauche, sa pédale. Donc, je ne vais évidemment pas dire que la pédale est réservée à la musique française. N'empêche qu'il y a cette idée que comme c'est la troisième main, elle réconcilie les deux ou... C'était son exigence qu'elle voulait dire par là. Voilà, elle voulait dire que un jeu magnifique sur le plan pianistique où on gâche tout avec la pédale, eh bien, c'est terminé. On n'a pas le respect, l'esprit, j'allais dire, pas le respect du texte. C'est même un mot que je n'aime pas beaucoup, le respect du texte. Je préfère l'esprit. Alors, on va écouter Yvonne Lefébure interpréter Forlane, extrait du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Thank you. Forlan, extrait du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel par Yvonne Lefébure, votre maître, Brigitte Boutinon-Dumas, à qui vous avez dédié votre ouvrage Mémoire d'empreinte. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec elle très jeune. Je crois que la première fois, je devais avoir 8 ans, ce qui était un grand honneur. Et pour cette femme avait, on l'entend dans la Forlan, le timbre, voilà, le timbre et le style. Je crois que si je devais la définir, ce serait cette justesse du style dans ces années-là, où on avait encore d'autres notions qu'aujourd'hui. Hein. Je parle des années entre 50 et 2000, voilà. Alors, le timbre particulier, et ça s'entend dans la Forlan, elle nous a passé ce besoin de lumière. Quand on l'écoutait à la classe, elle était merveilleuse, mieux qu'en concert aux Champs-Élysées. Nous avions le meilleur d'elle. Et elle, sur des pianos qui étaient, somme toute, ceux de l'époque au conservatoire, rue de Madrid, elle arrivait à faire des miracles. Parce que la pensée, la volonté, et j'ai toujours réfléchi à cette volonté d'entendre, définir un timbre dans sa tête. C'est la seule façon de le traduire dans ses doigts. Ça veut dire que je privilégie toujours la tête et le doigt, encore une fois, devient second. Quand vous dites la tête, c'est pas tout à fait le mental, hein ? Je devrais dire le mental, le cerveau, tout ce qui fait que ça... que notre pensée s'organise quelque part. Hein, et après, pour comprendre un texte, lui donner une logique à une phrase, c'est pas en la jouant sur le plan digital, ça ne suffit pas. Cette logique, c'est une logique de construction, c'est justement une logique d'équilibre, de rapport sonore entre les deux mains, de compréhension harmonique, et je ne suis jamais dans les doigts. Vous dites dans Mémoire d'empreinte, enfin vous écrivez, c'est l'anticipation de la pensée qui va faire le lien entre les notes. C'est assez compliqué parce qu'il peut y avoir une ambiguïté. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la stabilité du doigt. Je parle de la stabilité du doigt au singulier, chaque doigt stable, avec, j'ai dit tout à l'heure, un transfert de poids vers le doigt suivant. Et l'anticipation de la pensée, c'est quelque chose qui est devant. Voilà. Et là encore, je me dirige, je pars. Je dis souvent cette phrase à mes étudiants, d'où je viens et vers où je vais. Ça, c'est le développement de la phrase. Et l'anticipation, elle est là. Elle est vers où je vais, pour avoir, encore une fois, une construction logique. Pour revenir à cette histoire de pédale, vous en avez beaucoup débattu avec Yvonne Lefébure, comme on le disait tout à l'heure. Vous pointez le dernier mouvement de la sonate La Tempête de Beethoven, qui est un moment particulier, puisque la première possibilité est de mettre justement très peu de pédales, ce qui revient à choisir la précision, vous dites faire un tableau de Ingres. L'autre possibilité, c'est de mettre beaucoup de pédales, d'être dans quelque chose d'un peu plus flouté et d'être plutôt dans du Pierre Bonnard. Oui, alors j'ai un goût particulier pour la peinture et j'ai besoin quelquefois de l'éclairage d'œuvres comme ça pour trouver tout simplement une couleur au piano. La couleur d'un tableau, ça peut être, elle a son équivalent au piano, bien sûr. Hein. Et là, on joue sur quelque chose d'assez impressionniste, justement. Parce que s'il y a un fondu, il y a quelque chose de une espèce de sfumato qui fait qu'on garde tout. Mais d'autres diront, je ne mets pas de pédale, parce que très peu, parce que c'est Beethoven et qu'il n'y a pas de raison d'enjamber deux siècles. Mais on peut vouloir un effet. Et c'est bien dans l'interprétation de laisser place à son imaginaire et de dire, c'est pas seulement se singulariser, c'est tenter une autre aventure. Et après, est-ce qu'on la conserve ou est-ce qu'on l'élimine? Parce que, dans le fond, ça n'en valait pas la peine. Alors, on va écouter ce dernier mouvement de la sonate en sol majeur opus 31 de Beethoven. Et puis, vous me direz ensuite, Brigitte Boutinon-Dumas, si vous trouvez qu'il y avait assez de pédales. Thank you. François-Frédéric Guy, dans La Tempête, le troisième mouvement dont vous parlez, Brigitte Boutinon-Dumas, à propos du degré de pédale qu'on va y mettre au point d'en changer le caractère. Alors, j'allais dire, c'est la part de liberté faite à l'interprète. Ça. C'est toujours la question entre le respect du texte et qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, la couleur sonore. Il nous reste cela, justement. Et la couleur sonore, eh bien, évidemment, je vais parler de pédale, parce qu'elle modifie le son, la pédale. Alors là, nous avons une version assez nimbée, justement. Il y a quelque chose de... On garde les harmonies. Et il y a une espèce de tapis sonore que, personnellement, j'aime beaucoup. Vous citez également Beethoven à propos du moteur rythmique et vous citez un certain nombre de pianistes dont François-Frédéric Guy, mais aussi Claudio Arrao, Brendel, Barenboim, Kempf, qui par leur choix de mouvement, leur choix de tempo, vont imprimer un caractère spécifique aux sonates de Beethoven. Alors, effectivement, dans ce livre, je ne parle pas du rythme seulement, je parle du moteur rythmique, pour toujours qu'il y ait cette notion d'avancée. C'est pour avancer un moteur. Donc, et de discours. Et c'est pas vertical. On est dans quelque chose de linéaire. C'est pour ça que je dis moteur. Bien. Et le moteur rythmique, dans Beethoven, c'est ce qui nous tient, bien évidemment. Alors, ça ne veut pas dire que ce moteur rythmique n'existe pas chez les autres compositeurs, pas du tout. Mais chez Beethoven, on est incapable de traduire le style, la vision de Beethoven, si cette notion du rythme intérieur n'est pas extrêmement solide. C'est ce que j'appelle la rectitude beethovenienne. Vous parlez de couleurs, on l'a dit tout à l'heure, vous y consacrez un chapitre avec une référence que je ne connaissais pas, à un chimiste français qui s'appelait Eugène Chevreul. Oui, on en parle au musée d'Orsay. C'est d'accord. Ah, c'est, non, mais c'était une expo momentanée sur les peintres de tchèques, hongrois, et là c'était très spécifique. D'accord, et parce que en fait. J'ai vu ce disque qui correspond à combien de couleurs ? Alors 14 400. Voilà. Alors donc, ça donne envie d'imaginer ce que ça donnerait en musique, c'est ça ? Alors, 14 400 couleurs. Mon piano n'aura jamais 14 400 couleurs, mais ça veut dire qu'il faut que j'élargisse sans cesse ma palette sonore. Alors, ça dépend de l'instrument sur lequel on joue, mais l'imaginaire, encore une fois, le mental, est assez fort pour lui entendre des choses très diversifiées. Jamais nos doigts vont donner des choses diversifiées si d'abord la tête ne donne pas l'ordre. Il faut avoir une vision. Voilà. Ce qui m'a donné envie de vous faire entendre le prélude des nocturnes pour la main gauche seule de Scriabine. La pianiste Brigitte Boutinon-Dumas est l'invitée de David Christoffel pour l'émission Les Experts sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'était Brigitte Enguerrer dans le prélude et nocturne pour la main gauche à l'opus 9 de Alexandre Scriabine pour évoquer la couleur, Brigitte Boutinon-Dumas, à laquelle vous consacrez un chapitre. Vous aviez aussi envie de nous parler de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, parce que pour moi... Il n'y a pas que les pianistes qui inspirent les pianistes. Surtout pas. Il faut élargir sa vision. Si on a la tête, j'ai une vilaine expression qui dit si on a la tête dans l'entonnoir du clavier, du piano, on n'aura jamais d'interprétation riche. Ça n'est pas possible parce que il faut évidemment élargir le champ des possibles. Et le champ des possibles, c'est l'orchestre, c'est d'abord le quatuor à cordes. On parlait tout à l'heure des sonates de Beethoven. On ne peut évidemment pas jouer une sonate de Beethoven si on n'a pas une vraie connaissance de la formation trio quatuor à cordes chez Beethoven, et c'est vrai chez Brahms également. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à un de vos étudiants quand vous lui parlez de Sarah Vaughan? Quand je lui parle de Sarah Vaughan, d'abord il n'a pas mon âge, il est très jeune, il a 40 ans de moins que moi, donc ça fait vieux dinosaure hein, de parler de Sarah Vaughan. Je crois que le reculer dans le temps nous offre quoi? Une technique d'enregistrement pauvre, et on ne va pas toujours vers une technique d'enregistrement pauvre. Et concernant Sarah Vaughan, eh bien ça dépend évidemment de la date d'enregistrement. On sait que dans les années 60, 50, 65, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle avait cette plasticité dans la voix de pouvoir enjamber, j'allais dire, les intervalles avec sa voix, avec un legato total. Et elle s'amusait comme ça, à monter, descendre, il n'y avait jamais de point de rupture. Et là, je dis un mot qui m'est cher, le point de rupture. Il ne faut pas de point de rupture, parce que c'est notre legato à nous. Alors, notre legato, nous en avons besoin continuellement. Même une chose qui est jouée staccato dans l'esprit, c'est toujours du linéaire, c'est encore du legato. C'est pas parce que le son est interrompu que l'esprit s'interrompt. Voilà. Alors, le legato, cette notion de continuum, c'est ce qui va donner la logique à la phrase musicale. Alors, d'où je viens, vers où je vais, je le répète encore, parce que c'est fondamental, et quelquefois, il y a la respiration, le silence, l'interruption. Alors, le tout est de savoir si c'est une véritable brisure ou non. Moi, j'ai tendance à dire, il n'y a jamais de cassure, il n'y a jamais de brisure, il n'y a que de la continuité. Et alors là, à ce moment-là, on joue sur l'espace. Une respiration... Des silences, c'est de l'espace, c'est un vide. Il faut l'habiter, ce vide. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir le traduire? C'est la sonorité de la note qui précède le silence ou la respiration et la sonorité de la note qui va suivre. Donc, cette notion d'interruption, c'est jamais une interruption. En fait, le terme est faux. En fait, vous aimez quand il y a du liant, c'est-à-dire quand il y a du liant entre les mains, quand il y a du liant entre les notes par la lumière que l'on peut mettre dans la succession, quand il y a du liant dans le discours, d'où la nécessité d'anticiper la pensée. J'aime l'horizontalité, j'aime le linéaire. Et tout à l'heure, je parlais des hémisphères droit et gauche, et qu'est-ce que je veux faire? Je veux rassembler ces hémisphères, bien sûr. Je veux une seule ligne qui se déroule. On tire sur un fil, voilà, et le fil vient. Et c'est à travers toutes les oscillations de ce fil que je vais pouvoir traduire mon idée personnelle de l'œuvre. Je n'ai que cette possibilité. Je ne change pas le texte, je ne change pas les dynamiques, je ne change pas... je ne change rien. C'est une obligation. Mais j'imagine ce que je peux en faire sur le plan sonore. Are we a pair? sending the clouds. Isn't it bliss? Don't Send in the Clowns, c'était Sarah Vaughan avec le Kunstbasie Orchestra dans une version années 50-60, précisément quand elle avait ce legato. Et vous me parliez, pendant qu'on écoutait Brigitte Boutinon-Dumas, de ses fausses césures. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de linéarité, mais le compositeur, lui, interrompt cette linéarité. Il a des signes, encore une fois. C'est la respiration et le silence, tout simplement. Mais c'est une question d'anticipation mentale. Je suis dans la suite. Et c'est indispensable de s'arrêter, s'immobiliser et repartir pendant ce temps-là. Je me projette, moi. Je demande à mon corps de s'immobiliser totalement, mais mon cerveau, lui, est dans l'après. Et autrement, on fait des fausses césures. Et la fausse césure, c'est artificiel, ça n'a rien de spontané. On voit bien que c'est une tâche. C'est bien une tâche. Et c'est précisément donc à cet endroit-là que l'écoute des chanteurs est importante dans l'enseignement du piano. Essentiel. On ne peut pas jouer Schubert, vous dites à vos étudiants, sans avoir bien écouté Le Voyage d'hiver. Évidemment. Schumann, Brahms... Il faut vraiment savoir ce que c'est. On revient à l'humain. Le plus humain, c'est la voix. Nous, ce vecteur du piano, c'est très complexe. Et qu'est-ce qu'on essaye quand on est pianiste? C'est de faire oublier que c'est un piano. Alors, j'ai toujours une référence qui sera toujours la voix, parce que je les envie, ces gens qui n'ont pas d'intermédiaire. Il faut oublier, quand on est un interprète, il faut oublier qu'on est un intermédiaire, qu'on a un intermédiaire sous les doigts. Et Le Voyage d'hiver, je crois que si on veut expliquer à un étudiant qui travaille une sonate de Schubert ce que c'est que la douleur contenue, s'il ne connaît pas Le Voyage d'hiver, il ne va pas comprendre ce que c'est que cette faille, parce qu'il faut qu'il la traduise pianistiquement. Seine Leier steht ihm nimmer still. Avec Daniel Barenboim au piano, c'était Thomas Quasthoff, extrait du Voyage d'hiver de Schubert, le Der Leiermann que vous avez choisi, Brigitte Boutinon-Dumas, pour dire à quel point le voyage d'hiver peut être éclairant quant à cette question du legato, pour, et puis de chanter au piano aussi. Ça, c'est une notion qui est vraiment récurrente dans l'enseignement de piano, depuis Chopin au moins. Il doit l'être récurrent, il faut que ce soit récurrent, il faut que ce soit chaque note. Chopin disait phrase, il avait deux mots, il fallait jouer souplement et il fallait phraser. Et je crois qu'il avait résumé les deux difficultés. Parce que pour phraser, il faut être détendu, et c'est déjà tout un maintien physique. Ça réclame un ajustement du corps pour justement libérer la main. Le cantabile, il faut que le corps soit libre pour laisser faire. Laisser être, je préfère laisser être. Je crois que c'est Mathias Gurneux qui, quand il parle du legato chez Schubert, explique que c'est comme un souffle qui va être légèrement articulé aux endroits où il faut changer de hauteur, mais que il prend la métaphore du souffle. Est-ce que on n'est pas obligé d'être dans un souffle continu quand il s'agit d'être dans la lenteur? Absolument, c'est le problème, je reviens à Beethoven, d'un mouvement lent chez Beethoven. C'est ce qui gêne quand même le plus nos étudiants, il faut bien dire. Surtout qu'ils ont de la technique. Mais le mouvement lent réclame autre chose. Il demande de l'intériorité. Et c'est cette intériorité que va naître la présence, ce qui fait qu'on va écouter. Si le pianiste nous traduit un note à note, c'est sympathique là, évidemment, on s'ennuie. On ne demande pas un note à note, on ne demande pas une exactitude. Or, lorsque les pianistes jouent un mouvement lent de Beethoven, ils sont dans l'exactitude rythmique. Voilà, il faut aller en mesure parce que les valeurs rapides sont difficiles à mettre en place. Eh bien non, il faut prendre un peu de hauteur et voir ce qui émane d'eux. Voilà, alors dans ce mot, on voit tout de suite qu'on a une vision générale d'abord, c'est un tout là aussi. Et pour enrichir chaque note, je veux dire, il faut être encore une fois dans la suivante. Et c'est ce liant qui va faire la présence. Autrement, on joue lentement d'une note à note. D'ailleurs, Ciccolini disait qu'il jugeait beaucoup les élèves à leur capacité de jouer lentement. Il disait, un vrai musicien se juge à sa capacité à savoir jouer aussi des œuvres lentes. Et alors, vous avez une autre citation, celle de Franz Liszt, qui disait, je ne sais pas assez bien cette œuvre pour pouvoir la jouer lentement. C'est, oui. Il inverse, parce que habituellement, on dit, quand on déchiffre une œuvre, on la joue lentement parce qu'on ne la connaît pas encore bien. Et c'est quand on la connaît bien qu'on va la jouer rapidement. Franz Liszt, il inversait en disant que précisément, il fallait très bien connaître une œuvre pour la jouer lentement. C'est Franz Liszt. Alors, personne ne se compare à lui, bien sûr. Mais je crois que il connaissait la photo, mais pas le cinéma. L'image d'un film, on ralentit la décomposition. On est sur la décomposition d'un mouvement. Et là, il faut remplir ça. Remplir, ça veut dire le rendre dense. Ça veut dire le faire vivre. C'est toujours la question de entre deux notes. Je prends par exemple l'exemple de l'opus 111, l'Arietta, en do majeur. Qu'est-ce qu'on fait entre ces croches? On est mal à l'aise pour nourrir justement cet enchaînement. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'ensemble. On n'est jamais sur le découpage. Le découpage ne traduit pas l'émotion. Jamais. C'est pour ça que je garde toujours cette notion de globalité et d'avancée d'un système de carrure. Voilà. Et l'avancée est d'autant plus prenante quand effectivement la lenteur vient étirer ce liant. Puisque nous citions Aldo Ciccolini, eh bien, on va écouter sa science de la lenteur dans le mouvement lent du concerto en sol de Maurice Ravel. La pianiste Brigitte Boutinon-Dumas est l'invitée de David Christoffel pour l'émission Les Experts sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Avec Jean Martinon à la tête de l'Orchestre de Paris, c'était le deuxième mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel, avec Aldo Ciccolini au piano. Brigitte Boutinon-Dumas, nous évoquions la lenteur comme liant, et ça illustre un autre de vos chevaux de bataille en matière de pédagogie du piano, c'est la question de l'articulation, qui vous paraît une espèce de piège, on pourrait presque dire. Vous savez, c'est très français. J'ai eu l'occasion de me promener un peu, d'enseigner un peu en Chine ou au Brésil, et alors je suis étonnée, parce que c'est franco-français, cette histoire-là. Mon premier mémoire d'empreinte est traduit en russe. Pourquoi ? Je n'ai rien demandé, et un jour je donnais un récital, et un russe était dans la salle. Il s'appelle Volodos, c'est le père d'Arkady Volodos. Il est lui-même chanteur, Arkady Volodos, baryton. Et il m'a dit, vous n'avez pas une technique française. J'étais moyennement étonnée. Il me posait quelques questions, j'ai dit, écoutez, lisez mon livre et peut-être que vous comprendrez. Et ce premier livre en 93 lui a tellement plu qu'il m'a dit « mais je veux le traduire moi-même ». J'ai trouvé que c'était une critique à l'égard de l'école française du piano. On peut nommer Marguerite Long, on peut nommer tout ça, mais il y a encore aujourd'hui, enfin moins depuis 20 ans, mais une propension à avoir une digitalité. Or, pour moi, ce n'est pas la vraie digitalité. La vraie digitalité, je peux en parler davantage pour Bach. Par exemple, la fantaisie chromatique demande une digitalité baroque. Alors, ça n'est pas lever les doigts dont il s'agit. Il s'agit de les libérer. Et quand le son est libéré, on peut jouer un petit peu non legato, ce qui fait que c'est clair. Et on confond clarté du jeu avec lever les doigts. Parce qu'on a une vision mécanique, digitalisée de la phrase. Voilà. Il ne s'agit pas de coller les notes, il s'agit au contraire de libérer la main pour que les doigts s'aèrent entre eux, d'une certaine façon, et le son est clair. On va écouter cette fantaisie chromatique de Bach par Nelson Frère. C'est un pianiste que j'apprécie particulièrement. Que pourquoi ? Parce que lorsque je l'ai vu il y a 40 ans, premier concert en France, personne dans une église vide bien sûr, et j'ai trouvé qu'il y avait un chat, il y avait quelque chose de félin dans son jeu, avec une sonorité absolument inouïe. Et c'est ça, la détente absolue et le laisser-être. Il laisse faire son instinct, il n'entrave jamais. Et ça lui donne ce côté félin, avec justement une palette sonore et des touchés diversifiés absolument merveilleux. Thank you. Nelson Frère dans la fantaisie chromatique BWV 903 de Jean-Sébastien Bach. Brigitte Boutinon-Dumas, pour terminer cette discussion, cette rencontre autour de votre ouvrage Mémoire d'empreinte à l'écoute des demain, volume 2, paru chez Symétrie, nous pourrions peut-être faire un clin d'œil à certains artistes pour qui ce lien dans la virtuosité à la Jean-Sébastien Bach est évident. Ce sont certains jazzmen, par exemple Art Tatum. Art Tatum, moi j'ai beau l'écouter depuis des années, je ne comprends toujours pas comment il s'y prend. De temps en temps, on a l'impression qu'il y a deux pianistes. Et la seule chose que je subodore, c'est la part laissée à son instinct. Il a un instinct phénoménal, que souvent, pianistes classiques, nous perdons. La spontanéité, on joue avec quoi ? Mais même l'arietta de la sonate opus 111, on joue avec son instinct aussi, il faut être habité. Bon. Donc, si on veut humaniser Beethoven, eh bien, il faut mettre une part de soi. C'est la part inconnue, mais à mon avis, c'est la plus belle. Parce que Art Tatum, l'instinct, c'est une leçon d'instinct et de spontanéité. Quelqu'un qui n'a jamais été entravé, qui est doué comme ça n'est pas possible, et il nous emmène toujours plus vite, toujours mieux, toujours plus clair. Voilà, et ça, c'est le but de tout pianiste, je crois, aussi. Merci beaucoup, Brigitte Boutinon-Dumas. Merci à vous. Maintenant, eh bien, puisque nous sommes devant la radio, il y a aussi la radio qui est un organe d'information. Alors, la radio, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une façon de noyer le poisson. Enfin, bien sûr, dans la radio, il y a des émissions de toutes sortes, n'est-ce pas ? Vous êtes mis là. Je ne sais pas ce que l'auditeur qui écoute en ce moment a entendu exactement avant cette émission. Je ne sais pas ce qu'il entendra après. Mais je me doute qu'il s'agira de choses absolument différentes, n'est-ce pas ? Vous êtes, c'est ce que j'appelle noyer le poisson, donner une place, une petite place, avec évidemment les émissions culturelles sont, enfin vous dites telles, sont noyées dans de la musique, dans de la politique, dans des variétés, dans de la chansonnette, dans ceci ou dans cela. Et évidemment, vous êtes dévié, récupéré d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Il est certain qu'on fait la place à des émissions comme celle-ci, et même en pensant qu'elles sont peut-être dans quelque façon subversives, Mais elles sont noyées dans un tel ensemble d'informations rapides, chaotiques, etc., que vraiment le poisson est noyé. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite.